À l'occasion du 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée et du nouvel an 106 du Juche 2017, le corps des conseillers économiques et commerciaux en Corée a offert une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations au respecté maréchal Kim Jong-un. Le doyen Pavel Leshakov, conseiller russe, les a transmises le 30 décembre à un cadre coréen intéressé.